cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-Sheikh Abdus Salam rahimahullah al-faslu sadis, le sixième et dernier chapitre. Uqubatu al-khariji ala al-imam wal-muthabbit anhu wal-sabila. Dans ce chapitre rahimahullah, il a conclu avec le jugement, la sentence contre celui qui critique le gouverneur, qui se rebelle contre le gouverneur, qui éloigne les gens de l'obéissance du gouverneur. قال رتب الشارع الحكيم عقوبات صارمة على الخروج على الإمام نظرا لما يترتب على الخروج عليه من المفاسد العظام. Et tout ça تقدم معنا. Dans le Coran ou le Sunna, tu trouveras beaucoup de textes qui mettent en garde contre le fait de se rebeller, critiquer, insulter, propager des rumeurs contre les gouverneurs. Tous ces points, ça a pour conséquence des énormes mafasides. La rébellion, la divergence, كذلك les fusions de sang, comme une fitane, la division. قال فجاءت الأحاديث الصحيحة بترتيب العقوبة الدنيوية والأخروية على الخارج عن طاعة إمام المسلمين. C'est pour ça que beaucoup de textes qui montrent la sentence, la punition de هذا المنحرف ici-bas et dans l'au-delà. قال أما العقوبة الأخروية. Il a commencé par la punition dans l'au-delà que risque celui qui appelle à la rébellion, qui désobéit à l'imam, etc., au gouverneur. قال أولا أن المفارقة للجماعة قد خلع أن المفارق أن المفارق نعم المفارق أي celui qui divise أن المفارق للجماعة قد خلع ربقة الإسلام من عنقه أي celui qui est la cause de la division de الجماعة et الجماعة لا بد لها من إمام لا جماعة إلا مع إمام كما بين الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. Il a cité min usul ad-din anna la bud min jama'a. Al-jama'a c'est très très important dans notre din. Et il n'y a pas de jama'a sans gouverneur. Lianna al-jama'a la bud laha min ra's. C'est comme une famille. S'il n'y a pas de chef de famille, le père, mathalan, robama cette famille, beaucoup de choses ils auront du mal à faire. Et ils pourront être touchés par beaucoup de mafasid. Wa hakada dans une entreprise, la bud min ra's. Une entreprise sans chef, c'est le fawda. Hada il vient quand il veut, Hada il travaille quand il veut, il est akhri. Fa al-umma la bud laha min ra's. Obligé, une tête, un guide, un imam qui impose des choses, qui est capable de punir si certaines règles elles sont pas respectées. Qala wa al-ma'na anna al-islam kat-tawq fi al-'unuq. Fa idha faraqa al-muslim jama'at al-muslimin, in falata at-tawq الذي كان محفوظا به وأصبح كالدابة التي انفلتت من زمامها فكانت عرضة للهلاك والضياع. Ensuite le hadith pour mieux comprendre. قال ودليل ذلك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. أخرجه أحمد في المسند. Ce hadith donc الإمام أحمد l'a rapporté dans le musnad. Et Cheikh Al-Albani l'a sahih dans Sahih Al-Jami' et Cheikh Mokbil Rahmatullah Alayhi l'a sahih dans Al-Sahih Al-Musnad et كذلك dans Dala'il Al-Nubuwa. Ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من خرج من الجماعة قيد الشبر, celui qui s'écarte de la jama'a. Et si s'écarte de la jama'a, c'est qui s'écarte du gouverneur. قيد الشبر. Et cette distance, الشبر, c'est une distance très très très très courte. Pour montrer la gravité de se séparer de Jama'a, فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة, c'est ce qu'on met autour du cou des bêtes, comme un collier, pour les attacher, pour les guider, ou qu'on veut. Enfin, celui qui sort من الجماعه, c'est comme une bête à qui on enlève ce collier, et cette bête, elle peut aller à droite, à gauche, et se faire beaucoup de mal, se perdre. هكذا هذا الإنسان. ونعيد الإكسبليكاسيون دو الشيخ عبد السلام الآن. قال والمعنى أن الإسلام كالتوق في العنق فإذا فرق المسلم جماعة المسلمين. Si ce musulman il quitte la jama'a, انفلت التوق الذي كان محفوظا به. Ce collier qu'il avait autour du cou. Hada التوق. C'est comme une bête. Et c'est une cause pour la préserver, pour la tenir, pour ne pas qu'elle se sauve, elle se fasse du mal. Hada al-Muslim, il est exposé à beaucoup de char. انفلت التوق الذي كان محفوظا به وأصبح كالدابة التي انفلتت من زمامها فكانت عرضة للهلاك والضياع. Il peut être proie des ennemis de l'islam, des passions, des égarements, il a arrêté. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a interdit هذا, أي de sortir de الجماعة. On le répète, même si le gouverneur il est injuste, même si tu n'es pas d'accord, même si des injustices elles sont commises. هذا الشرط, si c'est une jama'a de musulmans, le gouverneur c'est un musulman, et le gouverneur c'est un musulman, tant que alhamdulillah il accepte l'islam, il prononce le shahada, il fait le salat, alhamdulillah, pourquoi dire que c'est pas un musulman? Est-ce que les péchés ça fait sortir de l'islam? Les al-ba'd, ils ont du mal à comprendre ce point. Les anas disent l'imam il fait telle et telle chose. Non, c'est des péchés tant qu'il fait pas une chose qui le fait sortir de l'islam. Et même s'il fait sortir une, il fait une chose qui le fait sortir de l'islam, c'est pas dans tous les cas qu'on a le droit de se rebeller. Si ça pousse à un mal plus grand, enfin, on n'a pas le droit de faire une chose qui pousse à un mal plus grand. فَلَابُدْ مِنَ الرُّجُعِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ أَمَّا التَّصَرُّفَاتِ الشَّخْصِيَّةِ هَذَا il se fait une fatwa seul, هَذَا il prend des décisions seul, هَذَا il veut changer les choses, ça fait que du mal et du fasad. فَلِهَذَا الْخَوَارِجِ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم tu les trouves الآن داعش et avant eux القاعدة وكذلك الإخوان المسلمون الضلال, tous ceux-là qui appellent à la rébellion contre les gouverneurs, tu les trouves الآن في البلدان أنهم ils sont chassés comme des bêtes qui sont chassées par des animaux féroces. لماذا لأنهم ils ont quitté جماعة المسلمين فعاقبهم الله سبحانه وتعالى أنهم ils sont rejetés de partout et ils sont détestés par tout le monde. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال ثانيا, deuxième punition est concernant الآخرة, أن من مات خارجا عن الطاعة مات ميتة جاهلية أي كحال أهل الجاهلية. جاء ذلك في عدة حديث صحيحة تقدم منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما تقدم معنا هذا. قال وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, أخرجه مسلم في الصحيح. قوله مات ميتة جاهلية أي كحال أهل الجاهلية, ça veut pas dire que celui qui se rebelle ça devient kafir. Là c'est un péché grave. Et s'il meurt à l'âge d'Al-Hal, il meurt comme Ahl al-Jahiliya, comme Hal Ha'oula al-Kafara. قال وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية, أخرجه أحمد في المسند. Et vu l'importance du sujet, tu trouveras énormément de hadith de plusieurs compagnons sur ce point. Le dernier hadith, hadith Muawiya radiyallahu anhu, Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi la hassan fi as-sahih al-musnad. Troisièmement, an man faraqa al-jama'a fa innahu la yus'al anhu, bima'na annahu min al-halikin. Li hadith Fadalah ibn Ubayd an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala thalatha la tas'al anhum, rajulun faraqa al-jama'a wa 'asa imamahu wa mata 'asiyan, akhrajahu Ahmad fi al-musnad. وهذا الحديث الشيخ الألباني اللي صحح في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم, الشيخ مقبل كذلك اللي صحح في الصحيح المسند. فلا تسأل عن هؤلاء الثلاث بمعنى أنهم من الهالكين, أي ne demande pas sur ces trois catégories de personnes, أي ne demande pas, أي pour montrer أنهم ils ont tout perdu, c'est des égards. Et parmi هؤلاء رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا, أي une personne qui sort de la jama'a, qui ne reconnaît plus l'autorité du gouverneur, qui appelle à la rébellion. فهذا لا شك أنه إلى على الشر. On doit patienter. جماعة المسلمين فيها خير, Même avec l'époque où on vit, avec les faiblesses, avec les manquements, tant que tu es ma'al jama'a, tu es à la khair. Fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te demandera jamais de rendre des comptes à la place d'un tel ou un tel. Laquelle ne soit pas une cause de division au sein de la Ummah. Le gouverneur, c'est un musulman, respecte-le. Obéis tant que tu peux. N'obéis pas, fi ma'siyatillah. Malgré cela, n'appelle jamais à la rébellion, à la révolte. Ne le critique pas, ne l'insulte pas. Tant que c'est un musulman, et occupe-toi de ton nez, fais des efforts dans l'ilm, propage l'ilm, tu verras qu'il y aura énormément beaucoup de khayr, walillahi alhamd, al-khayr hasil. Malgré ses faiblesses, tu trouves beaucoup de khayr fi bilad al-muslimin. On ne doit pas être la cause de aggraver les choses. On est tous d'accord, il y a des manquements. Là, la rébellion et la akhira, est-ce que ça va enlever ces manquements? Là, ça va rajouter des autres manquements. Si on ne peut pas améliorer les choses, au moins, on ne doit pas être une cause d'aggraver les choses. Et c'est la voie des salafs. Wallahi alhamd, on est dans la dernière partie de cette risale. Et vous avez remarqué que, Cheikh Abdus Salam, rahmatullah alayhi, il cite que des hadiths, ou des versets du Coran, ou des paroles de compagnons, radiyallahu anhum, ou des paroles d'imam. Voilà, Shaymin Ra'sihi, rahmatullah alayhi. Rabi'an, quatrièmement, on est toujours dans les uqubat fi l'akhir. An al-kharij ala l'imam la hujjata lahu yawm al-qiyama. Taqaddama fi dhalik hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Wal ma'na la hujjata lahu fi fi'lihi wa la udhra lahu yanfa'u. Naam, hadith ibn Umar qu'on vient de lire. Man khala'a yadan min ta'a laqiya Allah yawm al-qiyama la hujjata lahu. Ça ne veut pas dire que c'est un kafir, là, ça veut dire la hujjata lah, et il fait fi'li. Et il n'a aucune hujja, il n'a aucune preuve dans ce qu'il a fait. Et il n'a aucune excuse. Fa'hada yata'arrad li azabillah. Ceux qui ne respectent pas le gouverneur, qui appellent à la rébellion, qui quittent la jama'a, qui causent la division dans la jama'a, ils sont exposés à tous ces châtiments. Wa amma al-uqubah ad-dunyawiyya. Deuxième partie. Al-uqouba al-dunyawiyya. Et concernant ce barman. Fahiyya al-qatl in asarra ala hadha al-jurm wa lam yurji'an. Aïe, sa sentence à celui qui se rebelle contre les autorités, qui appelle à la division, c'est al-qatl. Sa sentence, c'est la mort. Li qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam innahu satakoun hanatun wa hanat. Hanat, aïe, comme قال في النهاية, shurur wa fasad. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'il allait avoir beaucoup de troubles dans la communauté. Beaucoup de fitan, beaucoup de fassad. Fata'ammal, la solution que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité. Faman arada an yufurriq amra hadhi l'umma wa hiya jami'a, fadribuh bis-saif ka'inan manka. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à la rébellion? Ma'adallah. Bel, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même dans ce cas, où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de façades, beaucoup de fitan, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre Al-Furqa, de délaisser l'obéissance du gouverneur. قال فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة. Celui qui veut diviser la communauté, وهي جميع, alors que maintenant dans tel pays, ils sont tous rassemblés autour d'un même gouverneur, et واحد il appelle à se rebeller contre ce gouverneur, قال فضربه بالسيف كائنا من كان. Qui qu'il soit, il mérite cette sentence. Al-Dharb bis-Saif. Wa fi riwaya faqtuluh. Wa fi riwaya man atakum wa amrukum jami'a ala rajulin wahid. Ça nous montre ce qui est voulu dans ce hadith. C'est bien le gouverneur. Et si vous êtes tous rassemblés autour d'un homme, et dans un pays, quand on se rassemble autour d'un homme, c'est le gouverneur. Yurid an yashuq asakum ou yufurriq jama'atakum. Faqtuluh. أخرجه مسلم في صحيحه عن عرفجة بن شريح الأجعي رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله تعالى في الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينتهي قتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا أي دمه. أي si après avoir été conseillé, raisonné, il n'accepte pas, il appelle toujours à la rébellion et à la fitna et à la division, هذا le gouverneur, dans ce cas, il doit appliquer la sentence. Pour éteindre cette fitna. Pour pas que ce mal il se propage. Pour préserver l'unité des croyants. Wa qala al-allamatu al-san'ani rahimahullahu ta'ala. Amma la parole de l'imam al-Nawawi, dans Sharh Sahih Muslim. Et cette parole de l'imam Sanani l'a rapportée de Subul al-Salam, Sharh Bulugh al-Maram. قال العلامة الصنعاني رحمة الله عليه دلت الألفاظ على أن من خرج على الإمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. Cette sentence فيها حكمة عظيمة. Vu que هذا الخارجي il cause الضرر dans la أمة. Il ouvre une brèche. Il fait عمل الشيطان, la division. Regarde le hal, le gouverneur, il doit se débarrasser de lui. Pour préserver les autres. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, allaqa ala hadha al-hadith biqawlih. On ajoute une parole, elle n'est pas citée dans le livre. Qala rahimahullah, hadha al-hadith fihi i'anatu sultan ala qatl al-bugha wal-khawarij min babi awla. Ça c'est un dalil. Si le gouverneur musulman il combat le khawarij et ceux qui essayent de semer la division, al-wajib alayna c'est at-ta'awun ma'ah. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a donné ce حق au gouverneur. Tant que c'est un muslim, on répète, même s'il a des manquements, même s'il commet des injustices, c'est un muslim, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette place. Nous, vu que c'est notre gouverneur, tant que c'est un muslim, يجب التعاون معه. On doit s'entraider معه contre هؤلاء الخوارج الضلال. ولو بالدعاء. ولو بالدعاء. قال فصل وأما المثبت عن الإمام فقد ألحق به علماء الأمة عقوبة تتناسب مع حجم تثبيته. المثبت il ne passe pas à l'action, هو contrairement au premier cas, il ne fait pas le خروج, il ne fait pas le خروج lui-même, il ne se rebelle pas lui-même, لكن دائما des rumeurs contre le gouverneur. قال فقد ألحق به علماء الأمة عقوبة تتناسب مع حجم تثبيته. Ça dépend de ce qu'il fait. إذ التثبيت عن الإمام مقدمة للخروج عليه. C'est ça التثبيت. C'est المقدمة. الخروج c'est prendre les armes, appeler directement, ou plutôt sortir dans la rue et combattre les autorités. Et هذا c'est un appel à la division, clair. انشقاق واضح. هذا المثبت c'est المقدمة. C'est celui qui parle. Il reste chez lui, لكن il parle des شبه هنا, des rumeurs هنا, des accusations هنا. Et c'est lui la cause du خروج. Et ça c'est hal كثير من دعاة الضلال. Ils sont chez eux tranquillement avec leurs enfants, avec leur famille, et dans les réseaux sociaux الطعن في أولاة الأمور. ثم الضحية, ceux qui sortent dans la rue et qui se font beaucoup de mal et qui font du mal aux autres, c'est des shabab جهال ضايعون pour la plupart. فالإثم لا شك أنه يعود كذلك إلى هؤلاء. Ils ont une énorme part. Un homme, ceux qui font des fatwas, qui appellent à la rébellion, et ils sont chez eux. Al-ulama, ils les appellent, un groupe de l'Khawarij, ils les appellent Al-Qa'ada. Ça vient de l'Qu'ud, ceux qui restent tranquillement assis, et ils appellent Ushur. Al-Khawarij, tu as deux catégories. Tu as ceux qui sont sur le terrain, qui font Al-Khuruj, ils se rebellent directement, et tu as Al-Qa'ada, ceux qui sont chez eux et qui appellent à cela. قال وقد علمت حكم الخروج عليه وعقوبة الخارج فكل وسيلة أدت إلى الخروج فهي وسيلة سوء تستحق عقوبة ملائمة للسوء الخروج نفسه. نعم والوسائل لها أحكام المقاصد يقول أهل العلم. Vu qu'il est une cause, فكذلك mérite une punition. قال العلامة الشوكاني رحمه الله كما في السيل سيل الجرار الواجب الدفعه أي المثبت عن هذا التثبيت فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيت. نعم سيبت غزوني كونسي أنه لعغت هذا فتمام. قال والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيت بحبس أو غيره. Donc une des punitions que هؤلاء méritent c'est الحبس, la prison. Hatta ils n'ont plus accès à ces réseaux. À notre époque, à l'époque de l'imam Shawkani, dans la rue, dans les manabir, en écrivant certaines choses, enfin, les bloqués, les emprisonnés, hatta leur fitna elle est restreinte. Min hada al-bab tushkar hukoumat al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya bima yaqoumoun fi hadhi al-ayyam. Depuis un certain temps, walillahi al-hamd, al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya, ils ont emprisonné kathir min al-ikhwan qui appellent au khuruj walou bi tariqa khafiya, et leur fréquentation elle montre qu'ils sont pour hada. et tu trouves بعض الضلال et كذلك بعض الجهال, ils n'arrivent pas à comprendre هذا. Ils disent mais ils emprisonnent des savants, ils emprisonnent des ضلال. أما العلماء في المملكة فمكرمون معززون ولله الحمد. Les savants, ils leur donnent beaucoup d'importance. On a comme ceux qui ont emprisonné Kassafor ou Salman ou Al-Qarni et autres. فهؤلاء, ils font partie de l'Ikhwan et c'est des ضلال. Si on a compris cette risale et on arrive à la fin, ولله الحمد. Ce genre de choses, on doit les comprendre. On ne doit pas fonctionner avec le hawa ou le jahl. Certains, ils n'ont jamais étudié ce genre de livre. Ils n'ont aucune base. Ils ne connaissent pas les hadiths, ils ne connaissent pas les ayats, ils ne connaissent pas quoi l'ahl al-ilm, ils ne connaissent pas les sentences pour celui qui fait le khuruj, celui qui appelle, ils ne connaissent rien de hada. Tu les trouves sur les réseaux sociaux, ils ont la critique facile. Mais pourquoi ils les emprisonnent? C'est de l'injustice. Est-ce qu'ils ont emprisonné un savant de la sunna? Est-ce qu'ils ont emprisonné un étranger, la plus basse échelle, fil mujtama? Ce qui nettoie l'akhir. Est-ce que tu as entendu? Ils l'ont emprisonné à Abatan. Wallillahi alhamd. Là, ils emprisonnent ceux qui méritent. Fait, nous, on doit aider هذه الحكومة كما قال الشيخ مقبل ولو بالدعاء أن الله يثبتهم وينصرهم. في المملكة العربية il y a beaucoup d'ikhwan ويفسدون من الداخل والحكومة ولله الحمد. Avec نصائح أهل العلم, ils ont compris le danger. Fait, depuis quelque temps, ils emprisonnent هؤلاء. Fait, alhamdulillah. المنجد كذلك كذلك المنحرف عبد العزيز الطريفي توصل من الحركيين الحازمين من التكفيريين en tant que sunni ولله الحمد السلف ils étaient contents quand un gouverneur من المسلمين il appliquait ce genre de sentence. Vous avez remarqué que كثير من الناس ils disent mais pourquoi les gouverneurs ils appliquent pas الشريعة? Hein, ils ont appliqué الشريعة et ils appliquent الشريعة هناك حتى avec أهل البدع من الإخوان ومن الخوارج. En tant que sunni, on ne doit pas être comme les autres. Al-Jahil, c'est un Jahil. Il entend les autres dire et il dit. Al-Munharif, c'est un Munharif. Il défend Al-Bida' parce que c'est ses mashayikh, il est avec eux. Et il les aime. Amma, nahnu, walillahi alhamd, on a des adillah, on a la parole de l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, qui a montré la sentence de Haoula, c'est le habs, c'est la prison. Qal aw ghayri, ça revient à l'ijtihad al-hakim. C'est lui qui il voit c'est quoi Al-Anfa' et le maslaha les où. Si emprisonner tel, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Si le contraindre à rester chez lui, c'est mieux. L'expulser du pays, c'est mieux. Ça revient à Wali al-Amr. قال انه مرتكب لمحرم عظيم والساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. Et كثير من الناس s'en في غفلة عن هذا. Si le gouverneur, il condamne, il emprisonne un violeur d'enfants, tout le monde va accepter. Et c'est حق, نعم, on l'accepte. Celui qui viole des enfants, c'est un mujrim, un mufsidé. Il mérite l'uqouba. Il mérite l'habs ou akthar. Et tu trouves quand c'est fil khawarij, vu que بعض الناس, ils ne connaissent pas هذا. Ils ont vu l'apparence, annahu il a la barbe, annahu il donne des durus, annahu c'est un imam. Ils disent directement, c'est un savant. Pourquoi ils emprisonnent les savants? C'est des injustes. Et à Ikhwan, on doit apprendre notre din. Et si on connaît aqidat al-firaq, et à notre époque, l'Ikhwan al-muslimoun, on s'apercevra directement que l'Ikhwan, c'est des khawarij. N'ai aucun doute fi هذا. Les anna. حامل لواء التكفير à notre époque c'est Sayyid Qutb. Et Sayyid Qutb c'est Ras min Rous al-Ikhwan. Et tous ceux qu'on a cités il y a quelques instants min al-Hizbiyin al-Mubtadi'a, tous ils élogent Sayyid Qutb. Enfin, si on a compris ça et tu connais aqidat al-Rajul et aqidat al-Firqa, tu sauras anna haoula ils sont une cause, ils ont été la cause en Égypte il y a quelques années, en Tunisie, en Libye et ila yawmina hadha, à la rébellion contre les gouverneurs. Et on a vu de nos yeux les méfaits, les conséquences graves de هذه الثورة. C'est pour ça que les autorités هناك في المملكة لا يلامون على هذا أبدا بل يشكرون. On doit être reconnaissant. Et alhamdulillah, أن un gouverneur muslim يحارب هؤلاء. قال وفي التثبيت نزع ليده من طاعة الإمام. لا شك أن التثبيت, le fait de le critiquer, d'appeler à se rebeller, enfin, لا شك c'est une cause directe du خروج. قال فصل وأما عقوبة من وقع في سب الإمام فقد جعلها الفقهاء رحمهم الله عقوبة تعزيرية. Dernier فصل sur la punition de celui qui insulte les gouverneurs. Il insulte, il ne fait pas le khuruj, il prend pas les armes et l'akhir, لكن il insulte le gouverneur. C'est quoi sa عقوبة? قال فقد جعلها الفقهاء رحمهم الله عقوبة تعزيرية. أي des punitions pour que ça serve d'exemple. Et on verra que هذا c'est min bab l'ijtihad, ijtihad wali al-amr. Il n'y a pas de texte clair Le Coran ou le Sunna, là, celui qui insulte le gouverneur, il doit être fouetté, il doit être emprisonné. On n'a pas de texte clair. Enfin, ça revient à l'ijtihad al-hakim. S'il faut qu'il l'emprisonne pour préserver les autres, il l'emprisonne, ou une amende, ou expulsé. Qala fil muqni' qala al-muwaffaq ibn Qudama, wa in adhara qawmun ra'y al-khawarij lam yajtami'u li harb, lam yu'tarad lahum. Fa in sabbu l'imam, azzarahum. Tant qu'ils ne prennent pas les armes, tant qu'ils ne se rebellent pas, si malgré cela ils insultent l'imam, il leur donne des punitions adaptées. قال فإن عرضوا بالسب الإمام ولم يصرحوا عزروا أيضا رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره وقال المرداوي رحمه الله في الحاوي الكبير فإن صرح الخوارج بالسب الإمام والسب أهل العدل عزروا للأذى وذبا عن منصب الإمام. نعم s'ils insultent les autres, des membres des autorités, du gouvernement, le roi, le président, فيعزرون à cause du mal qu'ils font, كذلك ils peuvent causer la division, et كذلك الإمام الحاكم il a une place عظيمة. Enfin, laisser les gens l'insulter, هذا لا شك أنه ça fait du mal. Et on le voit, في بلاد الكفر, au nom de la liberté, tu trouves سفي من السفهاء, tu trouves quelqu'un qui il n'a rien fait dans sa vie, أنه il insulte le chef de leur gouvernement. ولا أحد يتكلم, ils sont libres. هذا لا, notre دين, à chacun il donne une place. فالحاكم il a une place. Enfin, on doit le respecter, ne pas l'insulter. Si quelqu'un a la qudra de nasiha, nasiha. On n'obéit pas fi al-ma'si, on n'obéit pas s'il nous appelle un mal, à m'insulter. Il y en a, ça reste un musulman. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter un musulman, c'est du fusouq. Pourquoi l'insulter? Là, et ça va arranger quoi? Billah alaykoum. Ceux qui insultent un sur les réseaux sociaux, pardon, ils font des montages avec des photos sur les gouverneurs. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Ils font des péchés, faqat. C'est ce qu'ils gagnent. قال وإن عرضوا به من غير التصريح ففي تعزيرهم وجهان أحدهما لا يعزرون لأن علي رضي الله عنه لم يعزر من عرض والثاني أنهم يعزرون لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح فكان تعزيرا حاسما لما بعده من التصريح. أما s'ils disent des choses et c'est pas clairement une insulte, enfin, les ulama, ils ont divergé. Certains disent on leur fait rien. D'autres ils disent là, ça peut pousser aux insultes, donc ils doivent être punis. وقال ابن فرحون رحمة الله عليه في تبصرة الحكام ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. Ibn Farhoun, il a dit, un Aoui doit être emprisonné un mois. Ça lui sert de leçon à lui et ça sert de leçon aux autres. قال ومن خالف أمرا وقد تكرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. نعم هذا سيغوين اجتهاد الإمام. C'est les autorités qui vont décider. Celui qui insulte sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou qui lance des rumeurs إلى آخره, فهذا سيغوين aux autorités. قال هذا آخر ما أردت ذكره في هذه الرسالة الوجيزة الموسومة بعقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام. Donc on a terminé, ولله الحمد, هذه الرسالة. فالنصيحة لإخواننا, c'est de propager ce genre de رسالة, de la lire, de la traduire, de la simplifier pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. ونتعاون في نشر عقيدة السلف. Étudier ce genre de livre, c'est étudier une partie, un chapitre de la عقيدة des سلف. On doit donner de l'importance à هذا, surtout à notre époque. كثير من الناس, ils ne comprennent pas ce sujet. Et كثير من الناس, ils ne donnent aucune importance à ce sujet. فيطعنون ويسبون ويتهمون, ils accusent, ils insultent et ils parlent بلا علم. On a vu la position des salafs en se basant sur des versets du Coran Karim et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنحمدullah, c'est une ni'ma azima. À notre époque, on lit ce genre de risale et on met en application. ولله الحمد. قال أسأل الله عز وجل أن ينفع به من كتبه وقرأه وسمعه. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك ننصح الإخوان de revenir au أصل. لأن ce qu'on a lu c'est un résumé. وإلا شيخ عبد السلام رحمة الله عليه il a écrit son célèbre livre معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. Et العلماء ينصحون بهذا الكتاب, c'est devenu une référence. منهم الإمام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. Mu'amalatul hukam, et comment se comporter avec les gouverneurs à la lumière du Coran et de la Sunna. C'est les mêmes chapitres qu'on a vus, lakin beaucoup plus détaillés, avec beaucoup plus de preuves. Il a cité certaines masa'il, lakin nous on a lu le résumé. Alhamdulillah, il est suffisant pour avoir des bonnes bases sur ce sujet. Wa illa fananṣaḥ al-ikhwan de lire al-asl, ça leur fera réviser. Et kadalik, beaucoup de fawaïd qu'on n'a pas cité. Alhamdulillah. Fabihada انتهينا فهذا فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للجميع ونسأله عز وجل أن يهدي حكام المسلمين وأن يرزقهم البطانة الصالحة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.